qu'un set observation, certitude et incertitude. Certitude ? Mais oui. Bien sûr. C'est sûr et certain. Absolument. Évidemment. C'est évident. Sans aucun doute. Incertitude ? Peut-être. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Faut voir. On ne sait jamais. On ne peut pas savoir. Sans doute.